Je ne veux pas travailler. Il faut une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne nous servent à rien. On en a vraiment, vraiment plein le cul. Études, diplôme, boulot, rollo, c'est faux, plus passer l'info. Études, diplôme, boulot, bouffon à grelot, je t'informe. Esclave du système, réduit à des normes. Études, diplôme, boulot, rollo, c'est faux, plus passer l'info. Études, diplôme, boulot, bouffon à grelot, je t'informe. Esclave du système, réduit à des normes. C'est la même, depuis la maternelle, toujours cette rengaine qu'on te répète sans cesse. Écoute ta maîtresse, chope tes vins, sois divin, premier de la classe, pour ne pas finir comme un tel à la casse. Sur ton bureau, l'atlas, apprends et étudie. Tes parents veulent faire de toi un grand érudit, loin des abrutis. Arrête tes jeux vidéo qui t'abrutissent et te pètent la tête. Sers-toi de ta cervelle pour ne pas vircer à passer la serpillère. Technicienne surface, mais il en faut, il n'y a pas de métier sot. Regarde-moi, bac plus 3, licencié de géographie, où j'ai appris entre autres l'hydrographie, à lire cartes et graphiques. Et pour je suis toujours autant du père du temps, l'impression d'avoir du père du temps. Études, diplôme, boulot, rollo, c'est faux, plus passer l'info. Études, diplôme, boulot, bouffon à grelot, je t'informe. Esclave du système, réduit à des normes. Études, diplôme, boulot, rollo, c'est faux, plus passer l'info. Études, diplôme, boulot, bouffon à grelot, je t'informe. Esclave du système, réduit à des normes. Je ne crache pas sur l'ensemble du système scolaire, mais j'ai quand même un brin de colère, car certains trucs ne tournent pas aussi rond que dans le système solaire. Quand tu vois des diplômés de doctorat au chômage, squatter la rue comme des rats, sans la force de Goldorak, à croire que t'es rien. On t'apprend à jouer de la flûte, alors que le rap est la seule zig qui nous catapulte. Des logarithmes inutiles pour moi, ne l'ont-ils su? Mon seul rythme, c'est celui du beat. Je reste actif du beat, actif faut l'être dans ce système. Et si t'aimes, c'est tant mieux, mais les études ne mèneront pas toujours au meilleur travail. Attends-toi, et c'est grave, apprenez la grève ou squatter les agences d'intérim dans l'espérance de trouver dans ton intérêt. Études, diplôme, boulot, grelo, c'est faux, plus passer l'info. Études, diplôme, boulot, bouffon à grelo, je t'informe. Esclave du système, réduit à des normes. Études, diplôme, boulot, grelo, c'est faux, plus passer l'info. Études, diplôme, boulot, bouffon à grelo, je t'informe. Esclave du système, réduit à des normes. Société divisée, où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Deux solutions, gagner au loto ou le grand banditisme. Quand le travail ne paie plus, d'autres voies existent, mais j'exige ne pas les emprunter. Même endetté, taux de chômage proche de 10%, touchant la plupart des gens au smicard à 40 ans. Le taf, première priorité dans ce pays. Le rap, moyen de m'exprimer par cet écrit. Sans boulot, tu deviens boulé, ça fout les boulets. Alors j'enchaîne et cherche bifton en restauration, vente de kéreux chinoise, j'en chie et je chinoise. C'est que le début, travail correct exigé pour ne pas finir pute ou marquer des buts. Comment rire, la vie est dure, comment rire. Études, diplôme, boulot, rollo, c'est faux, plus passer l'info. Études, diplôme, boulot, bouffon à grelot, je t'informe. Esclave du système, réduit à des normes. Études, diplôme, boulot, rollo, c'est faux, plus passer l'info. Études, diplôme, boulot, bouffon à grelot, je t'informe. Esclave du système, réduit à des normes. Études, diplôme, boulot, grelo, c'est faux, plus passer l'info. Études, diplôme, boulot, bouffon à grelo, je t'informe. Esclave du système, réduit à des normes. Études, diplôme, boulot, grelo, c'est faux, plus passer l'info. Études, diplôme, boulot, bouffon à grelo, je t'informe. Esclave du système, réduit à des normes. Ouais, réduit à des normes.